j'ai bientôt 50 ans. Et je sens le poids du temps, que je fasse attention. Mon corps se mute en carton. C'est sûr, j'ai plus 20 ans. Dans ma tête, c'est comme avant. Faut que je me fasse une raison. Sinon, je vais prendre un bouillon. Putain, ça y est, je suis infecté par ce virus fatal. Allez, si banal. J'ai bientôt 50 ans. Et je suis un survivant, la chance m'a souri. Faut que je réduise le débit. En tout cas, je suis bien content d'avoir vécu différemment de tous ces zombies. Y'a rien de la télé au lit. Putain, ça y est, je suis infecté. Mes jours sont comptés. Le sablier, tout un sablier, au moins programmé. Yeah.